Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et pour ce dernier segment d'émission, nous retrouvons Camille Vellefebvre qui nous emmène dans l'Arctique pour nous parler d'un programme scolaire pas comme les autres. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Donc, effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un programme mené en 95, en fait de 95 à 2006 auprès de jeunes d'une école secondaire de l'Arctique canadien. Ce programme a été réalisé sous la forme d'un camp d'hiver d'une durée qui variait entre 7 à 10 jours et qui avait lieu chaque année, soit en février ou en mars. Mm-hmm. Selon les auteurs de cette étude publiée en 2007 dans la revue Children, Youth and Environments, les élèves ayant pris part à ce programme ont pu pleinement se plonger dans une expérience éco-pragmatique. Alors là, il faut que tu nous expliques un petit peu éco-pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme éco-pragmatique provient d'une contraction des termes éco ou oikos en grec, référant à maison ou habitat, et du terme pragmatique qui relève de ce qui est considéré avoir une valeur concrète des choses, mm-hmm. d'être efficace par son côté pratique. Ainsi, Claude Doucette et son équipe entendent par éco-pragmatisme une approche selon laquelle les élèves devaient s'impliquer intimement dans les utilisations pratiques de la nature, ouais. telles que grâce à la recherche de nourriture comestible ainsi qu'au piégeage d'animaux pour se nourrir, par exemple. Selon eux, c'est seulement lorsque l'écologisme revient à ses racines autochtones, soit en appréciant pleinement l'utilité immédiate de toutes les parties du monde naturel, que le message d'écologisme peut atteindre son plein potentiel. Alors là, tu parlais d'un programme de camp hivernal. Quelles étaient donc les compétences que les jeunes apprenaient dans ce programme? Le projet a pris place à l'école secondaire P.W. Kayser. Mm-hmm. C'est une école accueillant des Autochtones et des enfants non autochtones de la région du sud-est des Grands Lacs des Esclaves, dans les territoires du Nord-Ouest. Le site où se déroulait le camping hivernal, lui, est situé dans une forêt boréale mixte d'épinettes et de bouleaux, avec de nombreux lacs sur la taïga canadienne. Le camp a été conçu pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience culturelle, en particulier pour développer des compétences autochtones utiles comme la pêche et le piégeage, selon le mode de vie des Dénés. Mm-hmm. Les Dénés, c'est un ensemble de 7 peuples autochtones qui vivent sur 5 territoires du nord du Canada. D'accord. Le camp a été aussi conçu pour intégrer des aspects de la technologie moderne dans cette matrice culturelle. À ce titre, des compétences telles que la course d'orientation, l'anatomie, mm-hmm. les tests d'eau, l'écologie des neiges, la reconnaissance des espèces et les premiers soins d'urgence ont également été enseignés. D'accord. Donc, les instructeurs du camp comprenaient donc des guides autochtones et des professeurs d'université non autochtones. Les guides autochtones étaient tous issus des Dénés. Les enseignants autochtones étaient particulièrement bien placés pour enseigner le savoir traditionnel de survie en nature. Ici, je vais vous citer un exemple très intéressant. L'instructeur de piégeage a souligné que si un piège à castors est placé à une certaine distance du barrage, les castors adultes seulement seront capturés au lieu des jeunes mm-hmm. qui, eux, ont tendance à rester plus près du barrage. Oui. Ainsi, ça représente une économie d'énergie puisqu'on obtient plus de viande et plus de fourrure avec moins de captures. Ah oui. Ça représente aussi une économie écologique, puisqu'en ne piégeant pas les jeunes, la vitalité des futures générations de castors Exact. Est assurée. Les instructeurs non autochtones, eux, comprenaient des enseignants du secondaire et d'université formés spécifiquement dans un domaine en particulier, comme la biologie, les études environnementales, la chimie, les communications numériques et le traitement de l'information. Ils ont également apporté au camp une variété de compétences en milieu sauvage, y compris la médecine d'urgence, le canot-kayak en eau calme et vive, la course d'orientation, etc. Ainsi, les étudiants ont pu voir comment les compétences traditionnelles et modernes mm-hmm. se complètent et offrent un gain considérable de compétences de survie en milieu sauvage. Oui, c'était quand même un large éventail de compétences, hein, c'est intéressant. Et concrètement, comment se déroulaient ces camps d'hiver? Donc, les groupes comprenaient entre 5 et 21 étudiants, avec une moyenne d'environ de 10 participants. Il faut préciser qu'une préparation était réalisée au préalable, oui. une préparation rigoureuse d'ailleurs. Donc, le matin du départ, tout le groupe quittait l'école en motoneige et parcourait plus de 80 km hors de la ville, mm-hmm. vers le camp qui est situé sur un grand lac, sans électricité. à l'exception d'un générateur en cas d'urgence, évidemment. Donc, le voyage en motoneige durait 5 heures dans un paysage complètement inhabité. Beaucoup de lacs et de ruisseaux comportaient un débordement. Ça veut dire? C'est la présence d'eau au-dessus de la surface gelée, ce qui présente un danger très réel de s'embourber au milieu de nulle part avec la motoneige. Donc, l'eau est généralement cachée sous une couche de neige non perturbée, mm-hmm. qui agit comme un isolant qui empêche l'eau de geler. Ah oui. Donc, même lorsque la température est bien en dessous de zéro. Donc, en motoneige, avec la vitesse, parfois, il faut avoir le regard assez expert pour pouvoir noter ces zones de débordement. Mm-hmm. Donc, la condition est souvent impossible à voir. Les instructeurs ont ainsi utilisé ces occasions pour enseigner comment détecter les débordements, où ils se produisent en général et comment les gérer. Mm-hmm. Donc, les étudiants ont ainsi appris une leçon environnementale d'une grande importance, soit que les changements climatiques qui augmenteront ces épisodes de débordement dans le Nord peuvent directement affecter leur capacité oui. à voyager mmh. rapidement et en toute sécurité mmh. également sur mmh. la glace. Puis là, ensuite, ils arrivaient au camp. Oui, exactement. Ouais. Donc, les élèves devaient immédiatement s'installer, soit mettre en place les tentes, se procurer du bois de chauffage, entretenir les motoneiges et préparer le dîner. Donc, les jours suivants ont été remplis avec des activités pour enseigner les compétences de survie en milieu sauvage dans des conditions extrêmes. Donc, ces compétences de survie, c'était entre autres la chasse aux petits et aux gros gibiers. Mmh. Et est-ce qu'on sait s'ils ont eu bien froid? Oui, donc un fait à noter lors de quelques jours, à travers ces années-là, des températures extrêmes ont été ressenties, soit des températures au thermomètre qui pouvaient descendre jusqu'à moins 43 degrés Celsius. Ouais. Et avec le facteur vent, les températures pouvaient approcher les moins 60 mm-hmm. degrés Celsius. Donc, la gestion du risque à ces basses températures s'est avérée une préoccupation constante, voire vitale. Ben oui. Les étudiants ont donc été immédiatement formés aux techniques pratiques de thermorégulation, soit de la régulation de notre température corporelle, comme la prévention des engelures. Donc, le mantra « manger avant d'avoir faim, buvez avant d'avoir soif et bougez quand vous avez froid » s'est avéré mm-hmm. essentiel. Les élèves ont ainsi rapidement appris à faire du feu avec de la mousse et de l'écorce de bouleau. On leur a également appris à se procurer de l'eau en s'enfonçant dans la glace jusqu'à 4 pieds de profondeur, soit un peu plus d'un mètre, pour obtenir de l'eau et mettre des filets de pêche. Mm-hmm. De cette façon, ils ont appris que même dans des conditions aussi extrêmes, la nature peut répondre à leurs besoins primaires. Ouais. Tu nous as parlé là donc de ces températures extrêmement froides. Comment les formateurs ont composé avec ces éléments, avec cet élément? En fait, les chutes de température ont entraîné une adaptation continue du programme, de telle sorte que la flexibilité de chacun s'est avérée nécessaire. C'est ça, ils ont dû s'adapter face à cette température extrême. Oui, effectivement, et d'autres facteurs mm-hmm. également là, liés avec la nature. Donc, les élèves ont ainsi appris que Mère Nature a son propre programme. Ah oui. auquel les horaires humains doivent se conformer continuellement. Les changements fréquents de calendrier ont apporté une leçon comme aucune conférence formelle ne le pourrait. Nous ne contrôlons pas la nature, c'est la nature qui nous contrôle. Oui, c'est vrai. Et après ce camp, bon, ils sont retournés peut-être dans leur ville, leur village, dans leur classe. Comment ça s'est déroulé, la période de retour des étudiants après ce camp hivernal? Mais en fait, c'est très intéressant. Donc, le dernier jour du camp, juste avant le départ, les élèves ont eu l'occasion de participer à un cercle de partage. Donc, avec un bâton de discussion autour d'un feu, avec des tipis et une cérémonie de grâce dirigée par un instructeur autochtone mm-hmm. de la tribu des Dénés que je parlais précédemment. Donc, de cette façon, ils ont été exposés à l'attitude autochtone de gratitude, soit pour les... C'est une forme de bénédiction envers la nature exprimée selon une manière traditionnelle. À leur retour en ville, les étudiants ont coupé les restants de viande et de poisson qu'ils avaient de surplus. Mm-hmm. Ils les ont distribués de porte en porte aux aînés veufs, et ce, à partir d'une liste fournie par les autorités municipales. Oui. Donc, de cette façon, ils ont utilisé leurs compétences pour contribuer à la survie de leur communauté. En terminant, les étudiants ont dit avoir aimé leur expérience, puisqu'en plus d'avoir acquis de nouvelles compétences, ils ont également conquis leur peur et ont développé une confiance en eux. Mm-hmm. Ils ont entre autres donné un exemple, soit le fait d'avoir surmonté leur peur des éléments de la nature, probablement le froid, mais également oui. peut-être des animaux sauvages aussi. Mm-hmm. Donc, le fait d'être dans un milieu inhabité, tout seul aussi, oui. loin des bonnes conditions matérielles. Oui, et loin de leur technologie ouais. et du confort. Donc, le mentorat, les démonstrations pratiques et la narration, tous ces enseignements de respect pour et par les peuples traditionnels, en complémentarité aux connaissances modernes, ont transmis un savoir inestimable qu'aucun manuel ne pouvait mmh. alors réaliser auprès de ces jeunes. Mmh. Exactement. Donc, c'est vraiment un apprentissage multiple, à la fois sur le plan émotionnel, les relations interpersonnelles et les compétences pratiques pour vivre dans ce milieu hostile. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Camille. Merci.